On parle maintenant de technologie d'information avec Raymond Poirier, qui est chargé de communication à Litis. Allô, Raymond. Bonjour, Tania. Et cette semaine, on parle de GPS. Exactement. La semaine dernière, en fait, on s'est laissé avec une petite mention d'une conférence qui s'en vient ce jeudi 21 février, 19h, à la bibliothèque Gabriel-Leroy, autour justement des incidents reliés à l'utilisation des GPS. Donc, à qui la faute? Alors, je me suis dit, profitons de la chronique d'aujourd'hui pour mettre un peu la table autour de ça et pour voir un peu de quoi il va s'agir. Et en même temps, ouvrir un peu à quelques questions qui vont être abordées, évidemment, ce jeudi lors de la présentation. Et il faut dire que, de manière générale, en fait, si on parle d'incidents reliés à l'utilisation GPS, c'est qu'on leur fait confiance, à nos amis les GPS, de manière assez générale, parfois même aveuglément confiance, en fait, en me fiant notamment aux éléments que ressortait Marc Gervais, qui est le conférencier qui sera là jeudi. Lui en a relayé et recenser un nombre assez imposant. Et c'est toujours un peu le même thème. Donc, la personne qui s'en va, qui se déplace et qui, en suivant aveuglément son GPS, va se retrouver dans une situation assez particulière. Donc, ça peut aller autant donc de cette histoire, en fait, d'un couple de personnes retraitées qui essayaient de se rendre à Las Vegas. La route suggérée par le GPS était impraticable en période estivale, mais pas au printemps. Donc, l'automobile s'est retrouvée enlisée. Oh. Et là, l'homme est parti chercher des secours, n'est jamais revenu, on l'a jamais retrouvé, mais par contre, éventuellement, il y a quelqu'un qui est tombé sur la dame après quelques jours. Donc, c'est quand même assez tragique comme conséquence. D'autres incidents comme ça, plus près de chez nous, on se rappelle, je pense que c'est en mars 2011, une dame, une étudiante en médecine, ça avait fait des manchettes, elle s'était perdue en se rendant au Nouveau-Brunswick, ça s'était retrouvée sur un chemin forestier en suivant les coordonnées de son GPS. Et il y a d'autres histoires aussi comme ça qui sont faites dans d'autres contextes que simplement le déplacement automobile, et des déplacements qui peuvent nous amener certes sur des rails de chemin de fer, dans des rivières, dans des lacs, ça s'est vu, mais également on peut retracer des choses aussi du côté des services de pompiers. Il y a une situation qui est arrivée à Winnipeg il y a plusieurs années de ça, où les services d'urgence avaient suivi les coordonnées GPS, mais le GPS n'arrivait pas à trouver l'endroit où le feu était, et donc eux sont déplacés, et il y a eu des délais déraisonnables d'attente pour se rendre sur le lieu de l'incident. C'est arrivé aussi en avion, un écrasement d'avion. Le GPS de l'avion indiquait que c'était un terrain montagneux, alors que c'était pas du tout le cas. Alors évidemment, si tu planifies atterrir dans un terrain montagneux et que c'est pas un terrain montagneux, mais ça change la donne beaucoup. Alors, plein de situations comme ça qui nous font prendre conscience que des GPS, ça nous inspire la confiance. Et même de manière générale, parce que les GPS, c'est des cartes aussi, on pourrait dire que les cartes, ça nous inspire aussi la confiance. Et ça inspire non seulement notre confiance à nous en tant qu'individus utilisateurs, consommateurs, mais si on élargit, ça inspire aussi notre confiance en tant que citoyen. Notre système juridique indique que les cartes, c'est, et je cite en fait, c'est des sources susceptibles de permettre la vérification certaine et rapide de certains faits. Donc, c'est mis aux côtés d'encyclopédies, de dictionnaires. Donc, on retrouve les cartes géographiques, et ça, dans différentes incidences au niveau juridique. Donc, dans des causes, on dit, c'est une carte, c'est de l'information qui est fiable, comme un dictionnaire, comme une encyclopédie. C'est un outil de consultation qui est fiable. Exactement. Supposément. Ouais. Enfin, on pourrait s'imaginer que si les utilisateurs comme nous, ils font autant confiance, et si les tribunaux ils font autant confiance, que effectivement le producteur aussi offre un produit qui est digne de confiance. C'est un outil de référence. Si on trouvait une faute dans un dictionnaire, on trouverait ça un peu bizarre, puis peut-être qu'on se fierait plus au dictionnaire, alors que malgré les histoires d'horreur du GPS, on continue à programmer des codes postales dans nos GPS. Mais le problème, c'est que c'est pas nécessairement un produit qui est conçu pour être fiable. Et ça, c'est un des points que Marc Gervais va mettre de l'avant jeudi, et je te cite, en fait, si on va sur le gouvernement du Canada, ce qui est une source cartographique quand même assez fiable. Alors, je cite la clause d'exonération de responsabilité qu'on y trouve. On y dit, le Canada ne fait aucune représentation et ne donne aucune garantie quant aux données expresses ou tacites découlant de la loi ou d'autres sources en ce qui concerne, entre autres, leur efficacité, leur intégralité, leur exactitude ou leur pertinence aux fins d'un usage particulier. Ça, c'est le gouvernement canadien par rapport à, aux cartes qu'il produit. Ah, bon, ben... Quand même. La ville de Laval. La ville de Laval ne met à jour les cartes que de façon périodique. Par conséquent, la ville ne peut garantir que les cartes disponibles sont à jour. La ville ne garantit d'aucune façon que les informations apparaissant sur les cartes accessibles sur son portail sont complètes ou exactes. Mais là, si les instances ne sont pas fiables... Ben, avec qui, à qui on se réfère? Et les compagnies de GPS, c'est la même chose, Tania. Mais il y a exactement le même genre de clause d'exonération. Parce que le problème, c'est qu'une carte, par définition, et c'est, en fait, j'ai entendu la conférence de M. Gervais avant de la proposer, justement, ce jeudi à la bibliothèque Gabriel Leroy, et ça m'a frappé, ça m'a comme donné un coup de poing. Je sais pas, dans mon imaginaire, je me suis toujours dit, les cartes, c'est fiable. Mais non, ce ne l'est pas. Simplement pour des raisons purement mathématiques, ça ne peut pas être entièrement fiable. Parce que, et là, je vais peut-être apprendre quelque chose de difficile aux auditeurs. Oh non. Mais la Terre n'est pas plate. Et une carte, est-ce que c'est plat? Non, non. Ben oui, c'est une carte, c'est plat. Ah oui, oui, je veux dire, oui. La Terre est ronde, mais les cartes sont plates. Ouais, donc ça... Ben nécessairement, en fait, je veux dire, on le voit quand on sort une map monde. On n'a qu'à ouvrir un atlas, on voit une map monde. Eh ben la carte du monde, elle n'est pas parfaite. On le voit aux extrémités qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une opération qui a été faite pour la mettre à plat et on a perdu des petits éléments. Donc c'est normal, mais reste que justement, faut se rappeler donc que comme la Terre a une forme plus ou moins ellipsoïdale, mais les représentations du territoire sont majoritairement effectuées comme si la Terre était une surface plane. Et donc, les cartographes doivent utiliser un ensemble de modèles mathématiques qui sont très complexes pour déformer inévitablement la position réelle sur le terrain, mais pour pouvoir la représenter de manière à ce que nous, on soit capables de la lire, cette information-là. Donc, un document cartographique, c'est un modèle réduit de la réalité et c'est un modèle légèrement transformé de la réalité. Ah, mais si on est capable de transplanter un cœur à un humain, on est capable de faire une carte qui reflète la réalité. Mais ça ressort quand même, ça ressort quand même assez bien. Des erreurs comme ça, il n'y en a pas des tonnes. Non. Mais il y en a quand même suffisamment pour nous rappeler que les cartes qu'on retrouve disponibles et les images satellitaires et autres, ben, ont été donc retravaillées pour présenter donc une réalité dans une forme qui n'est pas celle de la réalité. Et donc, quand ensuite on les transpose vers des outils GPS, vers des outils de guidance, eh bien encore là, il y a un autre petit travail qui est fait où on utilise un médium pour transposer une réalité qui n'est pas exactement la même réalité. C'est pour ça que le petit point ne se mettra pas nécessairement exactement à l'endroit où on est supposé aller. C'est pour ça que la rue ne se retrouvera pas exactement où elle est supposée aller. Et en plus, on le voyait avec la ville de Laval tout à l'heure, si les cartes qui sont utilisées pour être outils de référence dans des GPS ou autres ne sont mises à jour qu'irrégulièrement, et c'est le cas à Laval, c'est le cas ailleurs, évidemment, là, je veux dire. Donc, ça veut dire que des rues, des artères, des éléments de construction peuvent évoluer avant qu'une nouvelle édition de la carte ne soit disponible. Il y a des quartiers nouveaux, par exemple, qui sont pas tout de suite sur les cartes. Donc, des fois, si on veut aller chez les gens nous disent « Oh, ben, mets-les pas dans le GPS ou sur Google Maps parce qu'on n'est pas là, on n'est pas encore rendu là. » Exactement. Donc, c'est tout ça découle un peu de l'idée, au bout du compte, qu'une carte est un document d'une fiabilité certaine, alors que au bout du compte, ce n'est pas le cas. Évidemment, je paraphrase beaucoup. Je vais inviter les gens, évidemment, à venir aussi jeudi soir, le 21 février prochain, pour voir la démonstration qu'en fait le conférencier Marc Gervais, qui est professeur de géomatique, qui a étudié justement ce phénomène-là, in extenso, comme on dit en bon latin, pour essayer de comprendre et de voir et de percevoir justement ce qui se passe, de bien l'expliquer évidemment, et aussi de soulever quelques questions en lien avec tout ça, parce que veux pas, on souligne, on pointe un problème, mais ensuite il y a toute la question de responsabilité aussi. Ouais. Donc en fait, est-ce que les utilisateurs sont suffisamment conscients d'un côté des incertitudes qui sont inhérentes à toute l'information géographique? Est-ce que ce que je viens de dire, est-ce qu'on le sait? Moi je le savais pas. Donc j'imagine que je suis pas tout seul. Deuxièmement, les incertitudes inhérentes devraient-elles être spécifiquement dénoncées? Donc si oui, à qui, comment, de quelle façon? Donc on pourrait dire, voilà, Il y a ce problème-là. Est-ce que ça devrait être fait? Est-ce qu'on devrait considérer que l'information géographique n'est pas donc aussi fiable qu'une encyclopédie ou qu'un dictionnaire? Est-ce que les producteurs remplissent correctement leurs devoirs et leurs obligations juridiques? Donc, est-ce que c'est la faute aux gens qui transfèrent l'information cartographique ou transfèrent l'information de cartographie vers des GPS qui sont responsables de notre trop grande confiance? Ou est-ce que c'est l'utilisateur, justement, qui n'est pas assez informé? Et si c'est l'utilisateur qui n'est pas assez informé, ben comment faire justement pour mieux les encadrer, pour mieux les accompagner, pour faire réaliser tout ça? Et à l'intérieur de ça, ben évidemment, il y a des questions d'éthique, il y a des questions de vie privée, il y a plusieurs interrogations dès qu'on touche à de l'information géographique, à de l'information localisée. Donc on se pose encore la question et on va essayer de l'approfondir avec M. Gervais. Exactement. En fait, je répète, parce que je pense que ça va valoir la peine en fait, c'est un sujet qui me semble important d'approfondir. Alors, je lance des préoccupations ce soir autour de ça. J'espère que ça vous allume. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, eh bien, donc, je le répète, c'est jeudi 21 février, 19h, à la bibliothèque Gabriel Roy. C'est avec Marc Gervais, professeur de géomatique. Donc, c'est à 19h et c'est gratuit. Donc, vous avez simplement qu'à vous présenter le soir même. Alors, on ira faire un tour. Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'ITIS. Merci beaucoup. Le site Internet? Oui, itis.ulaval.ca et toutes les informations concernant la conférence s'y trouvent. Et on retrouve en plus les chroniques qu'on réalise à tous les lundis ici à CKRL. Merci beaucoup, Raymond. Ça me fait plaisir.